Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Clément Doche. Salut. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat dont je suis très fier qui me permet et qui va me permettre toute cette année de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de ces prochains mois. Aujourd'hui, nous échangeons à distance avec Clément et nous allons parler d'un métier primordial dans la transformation de notre société, puisque toi, Clément, tu es formateur en agroécologie chez Terre et Humanisme. C'est une association dont tu nous parleras plus longuement lors de notre entretien. Ensemble, nous allons donc forcément parler d'agriculture, de la place des paysans dans notre société, de la nécessité de redonner de l'importance à notre alimentation, mais aussi plus largement du lien à la nature et du rythme de nos vies. Pour commencer cet échange, Clément, je te pose la même question que je pose à tous mes invités au début de l'émission. Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux que tu croises pour la première fois et qui te demandent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Moi, je fais quoi dans la vie ? Je jardine et je suis globalement toujours entouré de beaucoup d'humains, donc beaucoup dans la relation à l'autre, beaucoup dans l'échange, dans la transmission. Donc c'est comme ça que je pourrais dire ce que je fais dans la vie. Si on devait donner un intitulé à ton métier, est-ce que tu trouves que formateur en agroécologie, ça marche ? Tu apporterais une nuance ? Comment tu le dirais, toi ? Alors, quand on l'écrit, théoriquement, c'est jardinier animateur et formateur en agroécologie. D'accord. Donc, il y a vraiment un côté animation, donc plus transmettre directement sur le tas, au centre du jardin, avec différents vecteurs d'animation, et puis aussi tout le côté formation, donc un peu plus classique comme on le connaît dans différentes formations. Comment on devient jardinier formateur ? D'abord, faut une envie, un élan pour le jardin. Donc moi, ça fait une bonne quinzaine d'années que je jardine dans les différents endroits où la vie a pu me mener. Et puis ensuite, une envie de transmettre qui, moi, a pu se mettre en œuvre grâce à Terre Humanisme, où j'ai suivi la formation d'animateur en agroécologie, donc en 2013, qui est une formation sur 10 semaines et qui permet de travailler surtout sur sa posture d'animateur, sur comment monter un projet de transmission. Donc c'est une formation super intéressante que j'ai faite et qui m'a permis 2 ans plus tard d'être embauché à Terre Humanisme parce que j'habitais pas loin. En général, quand j'interview des personnes justement pour parler des 2030 glorieuses, je me rends compte que souvent, les métiers que je mets en avant, puisqu'on a cette porte d'entrée des métiers, ce sont des métiers qui existent depuis longtemps, des métiers ancestraux, des métiers traditionnels avec des savoir-faire presque millénaires. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'avec le tien de métier, on est un peu au contraire dans un métier qui existe finalement depuis assez peu de temps parce que se former au jardinage, se former à l'agroécologie, à toutes ces techniques, finalement, avant, c'était transmis de génération en génération de manière assez intuitive, à l'intérieur des cercles familiaux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toi, tu as un métier tout à fait nouveau finalement. Eh bien, ouais, c'est ce qu'on se dit souvent. En fait, c'est un métier qui comble un manque en fait de notre société. Avant, effectivement, c'était le grand-père, la grand-mère qui allait transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, comment jardiner, comment être à l'écoute de la nature, le cycle des saisons et tout ça. Ça se fait plus trop depuis l'ère industrielle, depuis l'exode rural. Il y a eu moins d'appétence pour ça pendant tout un temps. Et en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens sont en manque de cette connexion au vivant, à la nature, à leur alimentation par le jardin. Finalement, on remplit un peu cette case. Donc, interhumanisme, mais aussi maintenant de plus en plus sur tous les jardins partagés qui se montent un peu à droite à gauche. Donc effectivement, il y a ce besoin de transmission. Maintenant, c'est plus le grand-père, c'est Clément et c'est plein d'autres aussi animateurs formés en France. toi, c'est ton grand-père, c'est tes grands-parents qui t'ont transmis cet amour et ce savoir du jardinage, de l'agroécologie. Malheureusement, enfin, je pense qu'ils l'ont pas transmis. Ils l'ont transmis sans faire exprès, mais il y avait aussi donc mon grand-père est effectivement paysan, mais je pense qu'il y avait un peu cette pudeur et aussi peut-être cette honte d'être paysan et du coup on n'en parlait pas tant que ça. C'était quelque chose qui était dans la vie. Aller aux poules, aller tuer le lapin, aller ramasser les oignons. Ils m'ont un petit peu transmis, mais c'est pas quelque chose de parlé. Mais il y avait aussi un peu ce côté où on n'a pas réussi sa vie si on devient paysan. Donc j'ai l'impression que je l'ai reçu aussi d'autres manières, de mon père, des différentes rencontres que j'ai pu faire, de mes balades dans la nature, de livres, de documentaires, de plein de manières différentes, un peu plus contemporaines peut-être. Ouais, c'est pour ça que j'étais très heureux de te donner la parole et ton témoignage, là en l'occurrence avec ton expérience familiale, est assez représentatif de l'évolution de la société et de la place des paysans dans notre société, puisque la France, en fait, actuellement, elle compte 400 000 agriculteurs exploitants, donc déjà on sort du terme paysan, et ces 400 000 personnes ne représentent que 1,5% de l'emploi total du pays. C'est une proportion qui a été divisée par plus de 4 en 40 ans. Ça montre quand même qu'il y a effectivement eu un changement des mentalités, mais aussi un changement dans la production. Tout a changé très très vite. Hein. Ouais, en l'espace de 50-70 ans, après-guerre, quoi, ça a été vraiment la révolution dans le monde agricole. Alors, pour des bonnes raisons aussi, pour après-guerre, nourrir la France, relancer la production. Mais après, ça nous a aussi amené dans certaines déviances en termes de respect de la vie du sol, de respect du rythme du paysan, du respect des saisons, de la dépendance, de l'autonomie des paysans aussi. On a perdu beaucoup. Donc ouais, c'est un métier qui a vraiment changé. Et en plus, je pense que il y a aussi certaines sources qui disent que c'est un métier aussi qui a perdu en termes de valeur et de bien-être personnel. C'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de suicides chaque année. Il y a clairement un truc qui tourne pas rond dans l'agriculture française et occidentale en général aujourd'hui. Ouais, il y a deux choses que j'entends là dans ce que tu me dis. La première, c'est au niveau des mentalités, au niveau de la représentation sociale du métier qui a effectivement très fortement évolué. Avant, les paysans, ils étaient au cœur du lien social, du lien économique, au cœur des villes, au cœur des villages, avec le marché qui était vraiment l'expression du fruit de leur labeur et de cette nourriture qu'ils amenaient à tous les Français, une nourriture variée, diverse. Et ça quand même si ça continue à être assez présent, le marché un peu dans tous les villages de France, ça s'est quand même largement étiolé au profit des supermarchés qui justement ont rompu ce lien entre le consommateur et le paysan. Et là, j'entends qu'il y a eu peut-être un saut de génération. Tu disais, ton grand-père, du coup, il avait un peu honte de transmettre ça et peut-être, et ça, c'est une question pour toi, peut-être qu'il avait, il espérait et rêvait pour ses enfants d'autres choses que la vie de paysan. Et toi, maintenant, tu y reviens ? Il y a peut-être un peu de ça. Après, c'est malgré tout un paysan qui a réussi, entre guillemets, donc un paysan assez novateur, qui a plutôt bien vécu hein, dans le confort. Mais je crois qu'il y a 2-3 ans, je lui ai demandé quand même, est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à un jeune de devenir paysan ? Et sa réponse n'était pas pleine d'enthousiasme et d'élan à dire oui, je conseille à un jeune d'être paysan. Apparemment, c'est un métier compliqué où maintenant on passe 30% de son temps à faire des démarches administratives pour toucher les aides, de la PAC, etc. Un métier où il y a beaucoup d'impôts et peut-être aussi des impôts qu'on comprend pas, où on investit beaucoup. Du coup, on a des parcs de matériel et de bâtiments qui sont énormes. Et d'ailleurs, la transmission des fermes aujourd'hui, c'est une énorme problématique. Les fermes sont tellement énormes et coûteuses qu'il n'y a plus beaucoup de repreneurs pour les acheter. Donc on a ce problème-là. Et voilà, ouais, donc ce lien entre l'alimentation et le jardinage, la culture, je pense que c'est des questions qui reviennent un peu dans la tête de tout le monde. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal animé il y a une vingtaine d'années. J'ai moi-même voulu être paysan. J'ai eu cette idée-là, en tout cas à un moment donné, de devenir maraîcher. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, le contexte socio-économique pour devenir paysan est vraiment hyper complexe. Moi, clairement, je me sens pas les épaules de ça. Et donc, j'ai besoin d'être entouré, de rencontrer du monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, un paysan a pas beaucoup le temps de rencontrer du monde, d'être partie prenante dans la société. Donc, j'avais envie d'être paysan un petit peu d'une autre manière, en transmettant, en étant animateur, formateur et jardinier en même temps. Oui, parce que ce que tu dis à demi-mot et ce qui est une réalité absolument terrible, c'est qu'effectivement, il y a eu une pression économique et une transformation du modèle économique des paysans qui a été folle ces dernières décennies, avec notamment du coup l'omniprésence de l'Europe et les dérives de la PAC qu'on connaît maintenant et dont on entend de plus en plus parler, et qui montre bien que aujourd'hui être paysan, c'est plus dans, on va dire, la simplicité, même si en fait être paysan c'est un peu connaître tous les métiers du monde, parce que il y a un lien avec la météo, il y a un lien avec l'ingénierie, il y a un lien avec les machines, il y a quand même effectivement la vente et puis la comptabilité. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir faire quand on est paysan, et à la fois ça s'est énormément complexifié avec des modèles de plus en plus d'exploitation, de plus en plus grands, avec du coup des investissements toujours plus complexes, et puis aussi le lobbying des entreprises multinationales qui aussi mettent une pression folle à vendre leurs semences et leurs produits phytosanitaires, etc. Bref, c'est fou, et ça on le voit bien dans le film. Enfin, il y a pas mal de documentaire hein, qui montre cette évolution et cette pression, et moi j'étais particulièrement sensible au film de Guillaume Canet qui est sorti il y a 2 ans, Au nom de la terre, hein, qui montre bien cet exemple. On se retrouve avec des exploitations qui sont aujourd'hui dantesques, et finalement l'économie elle a mis hors de terre ce qui à la base était vraiment dans la terre, connecté à la terre. Ouais, complètement, ouais. Ben, nous à Terre Humanisme, à un moment donné, on avait notre petit sous-titre, c'était l'agroécologie à taille humaine. Donc c'est vraiment ça, revenir sur des dimensions de ferme qui correspondent plus à ce que peut faire un humain dans une journée. Aussi pour réfléchir un peu à son parc matériel, réinstaller plus de monde dans les campagnes et dans les champs. Aujourd'hui, un paysan peut gérer 500, 1000 hectares, voire plus hein, dans certains endroits. Et en fait, plus on gère des grandes surfaces, plus on gère des grands nombres d'arbres, beaucoup de pieds de vigne, si on gère beaucoup de pieds de tomates, ben forcément, on a une attention qui va être un peu réduite pour chacun. Et ça nous amène à faire des choses qui sont pas forcément respectueuses du vivant, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut aller fort, parce qu'il faut que ça soit efficace et productif. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'être paysan dans ce contexte-là où on leur demande une rentabilité folle. En plus, maintenant, on leur demande aussi de respecter l'environnement. On leur demande vraiment beaucoup de choses, d'entretenir le paysage. Et c'est pas évident, je pense, pour eux. Hein, faut se mettre à leur place. Moi, je pense qu'ils sont plus victimes d'un système qui les a amenés à faire comme ça, et aussi, du coup, un peu à oublier leur savoir-faire traditionnel. Mais je pense que, dans le fond, le paysan, il a envie d'être autonome, d'être maître de ses outils de travail, maître de sa production, maître de sa vente, ce qui, aujourd'hui, c'est quand même des choses dont il est complètement délesté. C'est pas forcément lui qui va gérer ses traitements, c'est la coopérative agricole ou la chambre d'agriculture qui va lui le conseiller fortement de traiter à ce moment-là ou pas du tout. Il gère plus la manière dont il va vendre son blé, et on va lui imposer un parc matériel souvent parce que c'est défiscalisé quand on investit dans des gros parcs matériels. Donc tout est fait en fait pour que ça grossisse. Mais je pense que le paysan, il s'y retrouve plus. Avant, il y avait des fermes de 5-6 hectares, hyper diversifiées, élevage, culture, qui permettaient de faire vivre quasiment une famille. Alors, il n'y avait pas beaucoup de ventes, mais il y avait beaucoup d'autonomie. Après, il y avait aussi beaucoup de travail. Hein. Il ne faut jamais, enlever ce côté-là. Ça demande beaucoup de travail. Mais au moins, je pense que le paysan, comprenait les tenants et aboutissants de tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une déconnexion du paysan. On cultive beaucoup par satellite ou par drone aujourd'hui. Voilà, donc c'est jamais un paysan qui va envoyer lui-même un satellite ou un drone dans le ciel. C'est pour faire du traitement de précision. C'est jamais lui qui pourra le réparer lui-même. C'est jamais lui, voilà, qui va gérer tout ça. Donc il est dépendant de choses qui sont totalement extérieures à lui. Donc nous, on va prôner, voilà, à la fois une diversification des fermes, des fermes beaucoup plus résilientes. Plus on est diversifié, plus on va être résilient. Et aussi revenir à des technologies que le paysan peut s'approprier facilement. Comme tu disais tout à l'heure, un paysan, pour moi, c'est vraiment le métier le plus beau, quoi, à la base, où on est à la fois chercheur, mécanicien, ingénieur, jardinier, comptable. Enfin, on sait faire plein de trucs. Donc, il faut revaloriser tout ça. C'est vraiment le métier qui lie le cerveau et les mains. Par excellence. Ouais, effectivement, tu le dis, on voit bien le piège hein, qui s'est refermé sur ces deux, trois peut-être dernières générations de paysans qui se sont retrouvés malgré elles à creuser le mauvais sillon, hein, si je peux le dire comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a un revirement. Alors, c'est pas encore généralisé, mais il y a quand même de plus en plus d'exemples d'adaptation. Je pense pas qu'on puisse parler de retour en arrière. Je crois qu'il y a aussi des choses qui vont être gardées des dernières décennies qui ont apporté quand même des éléments intéressants et pertinents dans le travail du paysan. Mais donc, vous, chez Terre Humanisme, vous prenez l'agroécologie. Est-ce que tu peux nous en redire quelques mots, même si là, tu viens de me parler de rompre la dépendance, d'autonomie, de retour à des exploitations plus à taille plus humaine. Il y a, j'imagine, une relation à la nature, une relation à la diversité, une relation au temps aussi qui change, non ? Ouais, complètement. Ouais. L'agroécologie, c'est déjà voilà, toute cette place du paysan dans notre société, ce rapport au paysan avec son sol, avec ses outils qui est à repenser. Et puis c'est un rapport au vivant, quoi. C'est jardiner de manière agroécologique ou cultiver de manière agroécologique, ben c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans un écosystème naturel, une forêt, une prairie, et essayer de se servir de tous les leviers naturels qui existent pour produire et pour sortir des récoltes satisfaisantes pour l'humain. On va pas maîtriser, on va pas domestiquer. En tout cas, on va pas être toujours dans ce rapport-là. Peut-être des fois, on le sera un peu plus, mais il y a aussi un respect du vivant, de la nature à l'état sauvage, et s'appuyer sur tous les mécanismes naturels pour produire correctement. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on constate dans la nature ? C'est, par exemple, que le sol est rarement laissé à nu, sauf exception, mais globalement, la nature s'arrange. Alors, je lui prête pas forcément une intention. Après, c'est les croyances de chacun. En tout cas, la nature s'arrange toujours pour que le sol soit couvert. Donc nous, en agroécologie, on va s'arranger pour toujours couvrir notre sol, soit avec des végétaux vivants, soit avec des végétaux morts, donc de la paille, des feuilles mortes éventuellement, de la tonte de pelouse. Mais voilà, c'est s'inspirer de ce qui se passe dans la nature et essayer de le reproduire dans notre jardin. Donc ça, c'est une partie de ce que peut être l'agroécologie. Et puis aussi, moi, je trouve que c'est aussi une réunion justement des savoir-faire traditionnels, donc avant l'industrialisation de l'agriculture, où finalement les paysans faisaient déjà les choses plutôt très très bien. Les systèmes agricoles ont perduré sur plusieurs centaines d'années, donc c'est qu'ils étaient plutôt équilibrés. Mais tout ce savoir-faire traditionnel, on peut le remettre au goût du jour avec les apports scientifiques des 40-50 dernières années, qui sont rarement écoutés aujourd'hui dans le monde agricole conventionnel. Mais quand on sait ce qu'est un sol vivant, quand on commence à comprendre les équilibres qui se jouent dans un sol vivant, quand on commence à comprendre bien comment faire un compost, comment faire un extrait fermenté d'ortie, ben en fait, on va optimiser nos savoir-faire traditionnels pour faire vraiment quelque chose de super efficace et optimal dans nos jardins. Ouais, ce que tu dis, c'est que la science, elle vient valider tout un tas de savoir-faire ancestraux empiriques et peut-être même donc de les optimiser, c'est hyper intéressant. Les participants à vos stages, Clément, ils viennent chercher quoi ? Quels sont leurs profils et quels sont les retours qu'ils vous font une fois que la formation est terminée ? Alors, leur profil, bah, souvent, c'est des gens clairement plutôt issus du milieu urbain. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un manque. Hein, d'ailleurs, ça aussi, c'est prouvé maintenant dans les milieux médicaux et psychologiques. Il y a vraiment un manque de nature, un manque de mettre les mains dans la terre, un manque de compréhension de comment pousse sa nourriture. Et les gens, voilà, qui ont envie de remettre les mains dans la terre, même si c'est que sur leur balcon ou sur un tout petit jardin de ville, voilà, y a vraiment cet élan-là. Beaucoup aussi sont animés par tout ce qui peut être effondrement et qui se disent peut-être qu'un jour il va falloir qu'on remette tous les mains dans la terre aussi par nécessité. Du coup, autant s'y prendre maintenant et réapprendre les bases pour un jour peut-être être amené à cultiver nous-mêmes au moins une partie de notre alimentation. Il y a des gens, plus des anciens, des retraités, qui ont eu toujours cette envie-là toute leur vie, mais par le rythme de la vie, par le travail, par tout ça, qui n'ont jamais eu le temps ou pris le temps de rejardiner. Maintenant qu'ils ont du temps, ils viennent rechercher ça. Il y a des jeunes qui sont à peine sortis des études et qui ont déjà compris qu'il allait falloir remettre les mains dans la terre et qu'il fallait se réapproprier nos modes de production. Et jardiner, c'est vraiment un acte politique en soi, dans ce sens-là. Donc, on a vraiment beaucoup de profils très différents, mais avec toujours cette envie de remettre les mains dans la terre, de voir un légume pousser sous nos yeux, de recomprendre l'effet d'un ver de terre dans le sol. C'est cet élan-là qu'on peut avoir souvent quand on est enfant et qu'on enfouit peut-être parfois par le rythme de la vie et qui ressurgit malgré nous à un moment donné dans notre cheminement de vie. Merci Clément, c'est passionnant. Il y a tout un tas de formations qui sont proposées par Terre et Humanisme. Le site internet, c'est terre-humanisme.org, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, vous aurez comme ça, sans doute, pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, là, l'opportunité de croiser Clément lors d'une formation en agroécologie. Clément, merci pour cette première partie qui a été vraiment passionnante. Avant de voyager vers les utopies réalistes, parce que le plus intéressant, c'est quand même de partir ensemble en 2030 Glorieuse, la place de l'agroécologie en 2030 Glorieuse va être prépondérante et j'ai hâte de t'entendre à ce sujet. À chaque fois, on termine cette première partie par un cadeau que l'invité nous fait. Et donc, toi, tu vas nous offrir une parenthèse d'inspiration à travers une lecture que tu as mis un peu de temps à trouver. Hein. Ça a été pas mal d'aller-retour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, choisir, c'est renoncer. Donc, on peut pas. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire découvrir. Et puis après, il faut aussi retrouver dans sa mémoire ce qui nous a fait vibrer. Donc là, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 5-6 ans qui s'appelle Le génie du sol vivant, qui est préfacé par Gilles Clément, qui est une personne que j'aime beaucoup. Et c'est un livre de Bernard Bertrand, qui est un paysan chercheur, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans le sol. Remettre nos pensées à l'endroit. Notre esprit cartésien nous pousse à définir des règles qui n'ont sans doute que peu de raison d'être, si ce n'est celle de créer un cadre et de nous rassurer. Ce qui, reconnaissons-le, est essentiel. Sans ce cadre et ses repères, nous ne saurions imaginer de nouveaux concepts, définir des schémas originaux. De ces contradictions viennent les difficultés de l'innovation, qui ne doit en aucun cas devenir de nouveaux dogmes réducteurs. L'importance de l'infiniment petit ne doit pas nous faire oublier le caractère cyclique de la vie, ni les multiples interactions qui rendent si complexe la compréhension des phénomènes. Ces derniers sont à l'origine d'une diversité de situations qui ne se confineront jamais entièrement dans nos modèles cérébraux, il faut s'en souvenir constamment. Quels que soient nos choix, il n'y a pas une solution unique, mais une diversité de solutions qui devront être adaptées au cas par cas. Une agriculture durable ne peut être enfermée dans des solutions généralistes applicables partout, sans tenir compte des spécificités des agro-écosystèmes des terroirs. Nous ne devons pas perdre de vue que la nature, par définition, rejette les modèles uniques. Elle n'est que complexité. Celle-ci s'exprime par de nombreuses interactions antagonistes ou synergiques, ce à tous les niveaux d'organisation existants, connus et inconnus. La simultanéité de ces interactions renforce encore l'incompréhension des phénomènes biologiques pour nos esprits cartésiens. C'est dans cette complexité-là qu'il nous faut trouver la poétique des forces de la nature et admettre humblement qu'avant même de comprendre les choses, il nous faut les observer et les contempler pour, intuitivement d'abord, en appréhender le sens global. L'idée force serait alors de déchiffrer les messages perceptibles du vivant à travers nos activités et leurs résultats, puis d'en déduire des progrès, L'opposé de ce qui est pratiqué aujourd'hui par la recherche, enfermée dans des labos, qui tentent de modéliser des découvertes théoriques pour ensuite les imposer à nos activités et ou à leur environnement. Il y a sans doute, dans les fondements opposés des deux démarches, les raisons des écueils et impasses de l'agriculture conventionnelle, dont le cheval de Troie est l'artificialisation de la discipline. Nous devons renouer avec cette démarche qui se calque sur le vivant et qui laisse s'exprimer sa complexité. Global, cette approche ne pourra être synonyme de modèle unique, donc ne pourra pas être dogmatisée. De plus en plus nombreux sont les chercheurs et libres penseurs qui admettent que la vie biologique ne peut se résumer à la description de simples modèles reproductibles par nos sciences humaines, et c'est tant mieux. Leur vision des choses rejoignent et confortent les pensées intuitives des paysans d'hier et d'aujourd'hui, qui ont courageusement refusé l'artificialisation des modèles agricoles. Ils sont les cautions morales de ce véritable progrès de pensée qui construit l'avenir plutôt que de l'hypothéquer. Ensemble, ils accréditent la dimension poétique et spirituelle de cette noble discipline qu'est la mise en culture d'un sol vivant. Merci Clément. Pourquoi tu as choisi cet extrait alors ? Eh ben, pour moi, c'est un super bon résumé en fait de notre approche du vivant, de la Terre, où il y a clairement plein de choses qu'on comprend pas totalement. Hein. Faut pas être trop prétentieux avec le sol et avec le vivant. Donc, il y a toujours une part d'intuition, une part de feeling. Je pense que les gens qu'on dit avoir la main verte, c'est eux qui ont un super bon feeling. Sans avoir lu 15 000 bouquins ou avoir fait plein de formations. Et donc, il y a ce feeling-là que je pense tout le monde a, mais qu'il faut réveiller dans certains cas. Et là, je trouve que Bernard Bertrand parle assez bien qu'il ne faut pas rester figé sur des choses systématiques, sur des dogmes, il y a beaucoup de choses hein, quand on lit des forums sur Internet ou dans les pros, les anti-compost, les écoles d'une certaine permaculture, les écoles d'une autre permaculture, il y a l'agroécologie contre la permaculture, donc il y a pas mal de querelles de clochers qui pour moi ont pas vraiment de sens. Souvent tous ces gens-là œuvrent avant tout pour le vivant, pour un respect de la nature, et sans nier qu'il y a des difficultés dans tout ça. Et donc je pense que j'aime bien la manière dont en parle Bernard Bertrand là dans ce petit passage. Ouais, c'est une super introduction, justement, puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. Clément, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais pendant que tu lisais, on s'est déplacé, on a fait ce voyage le plus extraordinaire qu'on fera jamais et à la fois le plus écologique, puisque sans bouger, nous nous retrouvons dans une société durable et solidaire dans 10 ans, en 2030 glorieuse. On a réussi à nous de le décider, mais on a clairement, en tout cas, réussi à accepter, comme tu nous l'as lu, la complexité du vivant. Et se remettre à son service, notamment à travers l'observation. Donc justement, la première question que je pose à tous mes invités quand on se retrouve en 2030 glorieuse, et on va essayer d'y rester. Hein. Donc attention aux allers-retours. Aujourd'hui, on parle dans le présent de 2030. Hein. Ça va être un petit exercice de pensée. Mais donc quand on observe 2030 glorieuse, quand toi tu observes 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu peux raconter à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont malheureusement, tristement, les deux pieds en 2021. Ok, alors donc on est en 2030. Je pense que aujourd'hui tout le monde, d'après ce que je vois, remet les mains dans la terre régulièrement. Alors il est peut-être pas totalement autonome pour la production de sa nourriture, mais en tout cas tout le monde jardine, tout le monde se fait pousser quelques carottes ou quelques tomates ou quelques courgettes dans son jardin. D'ailleurs, le jardin, entre-temps, est devenu un droit. Nos gouvernements ont fait passer la loi comme quoi on avait tous le droit à un bout de terre, un petit lopin de terre de 50 carrés minimum par personne. Et tout le monde jardine. Et du coup, le jardin est enseigné dans les écoles. Le jardin est enseigné, est transmis de bouche à oreille dans les écoles, de voisin à voisin, de grand-père à enfant, à petit-enfant. Du coup, tout le monde jardine, tout le monde comprend ce que c'est la difficulté parfois de faire pousser une tomate, une courgette ou une carotte. Et du coup, tout le monde comprend bien mieux le maraîcher qui est dans son village, parce que maintenant, dans chaque village, il y a un à deux jardiniers, voire plus, hein, sur les plus gros villages ou villes, qui ont eu des terres mises à disposition par les communes, par les mairies. Donc c'est plutôt chouette. Et les gens comprennent bien mieux les difficultés pour un maraîcher, parfois, de ne pas pouvoir produire, de ne pas avoir des tomates tout le temps ou très tôt dans l'année, parce que on a compris aussi qu'avoir des serres chauffées, c'était pas toujours très viable énergétiquement. Voilà, donc tout le monde a à peu près compris les tenants et aboutissants du fait de produire, du geste, et comprend beaucoup mieux son maraîcher, comprend beaucoup mieux l'éleveur du coin, comprend beaucoup mieux le cultivateur, et donc est beaucoup moins exigeant, et accepte aussi des fois de payer un peu plus. Et du coup, vu que les gens payent un peu plus et mettent un peu plus de sous dans leur nourriture, ils mettent un petit peu moins de sous dans les dernières technologies innovantes, peut-être un peu moins de sous dans des voyages à l'autre bout du monde, parce que les gens aussi se sont rendus compte qu'on pouvait voyager dans son jardin, et du coup ça économise pas mal de pétrole pour partir à l'autre bout du monde et voyager. Ouais, de ce que j'entends, il y a vraiment cette idée de lien. Alors, génial, hein, ton idée de dire que dans la loi, on a réussi à mettre définitivement le droit au jardinage. C'est une super idée de démocratiser ces jardins ouvriers qui ont eu leur heure de gloire il y a quelques décennies et qui se voyaient de plus en plus réduits il y a encore 10 ans en arrière. Mais là, on a réussi à retrouver de la place pour faire en sorte que chacun puisse jardiner. Hein. Toi, tu proposes 50 mètres carrés, super. C'est vraiment une excellente idée. Et puis, plus notablement, on se rend compte aussi qu'en 2030 Glorieuse, il y avait tout un tas de projets de bétonisation, de super complexes, de centres commerciaux, etc., etc., qui venaient en périphérie des villes et qui, du coup, rognaient de plus en plus sur ces anciennes ceintures vertes. Ça a été au mieux annulé, voire même carrément détruit, et on a fait tout un travail de débétonisation. Aujourd'hui, on a des ceintures vertes qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus luxuriantes, avec du coup une proximité aussi des paysans, de l'alimentation, à nouveau dans chacune des villes. Et ça change tout. Hein. Et ouais, tout à fait. Oui, du vert partout, des arbres, des jardins à l'intérieur des villes, les parcs, certains parcs là ont été transformés en jardins potagers collectifs. Et puis même, on n'a pas tout détruit en fait. C'est ce qui est pas mal, c'est qu'on s'est servi aussi de toutes nos bêtises du passé. Là, je suis passé devant une station-service là qui est devenue une épicerie solidaire. Même les autoroutes, finalement, on a essayé un peu de les garder. Alors elles sont plus payantes, mais on les garde parce que ça fait quand même des super voies d'accès pour transiter d'une ville à l'autre. Pour certaines productions, peut-être des fois qu'on peut pas tout produire sur toutes les terres, donc ça peut être bien quand même de garder certains échanges entre régions. Et les autoroutes sont intéressantes, et les anciennes stations-service ben, nous servent aussi à stocker des denrées autour ou entre les villes pour participer à l'autonomie des différents territoires. Donc on n'a pas tout détruit, on a gardé aussi des trucs, et ça c'est intéressant de se servir de nos erreurs et de les transformer en ressources. Et dans la série des lois qui ont été passées, il y a aujourd'hui obligation pour toutes les mairies, les régions, de faire en sorte que chaque nouvel arbre planté soit un arbre fruitier. Ça change aussi pas mal de choses, et comme tu le disais, on a exploité d'une certaine manière nos bêtises, puisque tous les parkings, tous ces souterrains aujourd'hui sont utilisés pour produire des champignons, pour produire des endives, tous ces légumes qui n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Hein. Ouais, entre autres, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus cher de remplir à nouveau ces parkings souterrains de terre. Ça allait demander beaucoup d'énergie, donc on a plutôt cherché à les rendre productifs pour nous les humains, et c'est vrai qu'il fait toujours frais dans les parkings, donc ouais, on fait des champignons, des endives, donc il y a des coopératives d'habitants aussi qui produisent tout ça, qui se relaient pour s'occuper des champignons. Et ce vivant, il est quand même très géolocalisé, il est très adapté à son territoire. Il y a 10 ans en arrière, on mettait le contrôle de l'agriculture dans les mains de l'Union européenne, qui devait adopter des stratégies, des planifications, des lois standardisées pour des territoires gigantesques qui souvent ne se ressemblent absolument pas, avec des réalités aussi économiques forcément qui sont parfois très disparates. On a retiré ce pouvoir de l'Union européenne, et aujourd'hui, la planification paysanne est à nouveau à l'échelle des régions, à l'échelle des villes. Ouais, c'est bien plus simple finalement de partir des spécificités, des contextes pédoclimatiques de chaque territoire, de chaque région, et de faire notre sauce en fait dans chaque région. Alors c'est pour l'agriculture, c'est peut-être bien d'être régionaliste en tout cas, et surtout on est sorti là depuis une dizaine d'années de la spécialisation des régions. Dans le temps d'avant, on avait des régions qui faisaient de l'élevage, des régions qui faisaient des grandes cultures, des régions qui faisaient de la vigne. Et là, on a essayé de remixer un petit peu tout ça parce que on se rend compte des interrelations entre différents modes de culture, de production, des interrelations bénéfiques, et donc l'éleveur a clairement besoin de la paille pour l'élevage. L'éleveur peut donner du fumier au cultivateur. Et ça, c'est bien de pouvoir le donner à son voisin éleveur qui est pas loin de chez soi et de pas faire des kilomètres pour transporter de la paille, du fumier. Donc, on a géré pas mal de problèmes aussi de pollution, notamment avec les lisiers. Maintenant qu'il y a un peu de porcs partout en France, il y a plus, les porcs ne sont plus concentrés qu'en Bretagne. Donc on a aussi supprimé les problèmes d'algues vertes, notamment en redispatchant les élevages de porcs. Il n'y a plus de hangars à cochons ou de batteries de poules dans notre monde de 2030. Petite parenthèse, il y a effectivement eu des trouvailles scientifiques plus que bienvenues, puisque les scientifiques se sont rendus compte qu'en donnant une partie d'algues dans l'alimentation des élevages bovins, ça permettait de réduire quasiment intégralement les émissions de méthane dues au rodvage. Donc ça, c'était un beau changement, parce qu'il y a encore 10 ans en arrière, les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, ça représentait quand même 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'était considérable. Et je continue dans ce que tu disais sur la diversification et la réappropriation territoriale. Il y a quand même, à mon sens, cette vision complètement nouvelle que l'être humain, plutôt que d'exploiter, de puiser, de consommer, il peut être aussi au cœur de la régénération de la biodiversité et puis de cette nature qui permet d'affronter plus sereinement le dérèglement climatique qui malheureusement est encore en cours, parce que avoir plus de végétalisation, plus de nature dans les villes, ça permet de baisser la température. On a mis en place tout un tas de programmes qui ont permis de faciliter le redéploiement de la biodiversité un peu sur tout le territoire, non ? Ben ouais, c'est souvent à l'initiative des citoyens hein, qui ont recommencer à jardiner sur les trottoirs. Il y a eu les incroyables comestibles il y a 15-20 ans qui ont un peu initié tout ça. Les guérilla gardeners qui réensemençaient les friches, voire même les espaces entre les pavés ou les petites infractuosités dans le macadam pour amener un peu de biodiversité dans les villes. Comme tu disais tout à l'heure, les ceintures vertes aussi qui ont été redonnées aux maraîchers. Et donc, peu à peu, nos villes se sont fleuries. C'est vraiment le citoyen qui s'est réapproprié l'espace commun dans les villes ou dans les campagnes pour le rendre plus coloré, plus biodiversifié, plus productif, plus nourrissant. Et on est sorti de la grisaille ambiante de beaucoup de villes ou beaucoup de banlieues il y a 10 ans. Ce lien avec le vivant, il nous a appris aussi deux autres choses sur lesquelles j'aimerais t'entendre. La première, c'est que dans la nature, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de gâchis. On a radicalement changé notre relation, notamment à l'alimentation. Et puis aussi, dans la nature, il y a des temps de pause. Il y a des temps d'effervescence, des temps de floraison, mais aussi des temps où on respire, on se repose, on réfléchit à d'autres choses. On parfois prend le temps même de s'ennuyer. Ça a radicalement changé par rapport à notre quotidien effréné d'il y a 10 ans en arrière. Hein. Il y avait aussi une urgence, je pense, dans les cerveaux. De reprendre le temps, de se réapproprier son temps, de faire un pas de côté, comme le disait l'an 01, le film. Et on s'est rendu compte aussi qu'en fait, on était plus imaginatif quand on laisse de l'espace disponible dans son cerveau, qui n'est pas capté par la pub maintenant, mais qui est juste laissé à lui-même. Et de cette créativité, de cet ennui est née cette créativité, de cette créativité est née plein de beaux projets, on pourrait même pas être exhaustif tellement il y en a aujourd'hui, sur des collectifs, sur comment éviter le gaspillage, donc des plateformes de compostage qui sont créées par quartier, des récupérations des déchets ménagers en vélo pour faire du compostage collectif, plein de nouveaux métiers, de nouveaux... C'est même pas forcément toujours des métiers, il y a des gens qui font ça bénévolement aussi, parce que les gens maintenant travaillent beaucoup moins et ont beaucoup le temps, plus le temps de s'investir pour leur société, pour leur territoire, leur quartier. Et d'ailleurs, l'agroécologie est aujourd'hui une formation, une matière à part entière dans toutes les écoles, hein ? Oui, maintenant c'est banal. C'est l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui, c'est l'agroécologie. C'est devenu la convention. Agroécologie et permaculture. Donc maintenant, voilà, un enfant sait comment on pousse le moindre légume qui va manger. Est-ce que ça pousse dans le sol ? Est-ce que ça pousse sur un arbre ? Pareil pour ceux qui mangent de la viande. On n'a pas interdit la viande, c'est à chacun de décider. Par contre, on est beaucoup plus conscient de quelle viande il faut manger et de comment elle doit être élevée. Donc voilà, chacun s'est reconnecté à tout ça, a fait les choix en conscience, on n'a rien imposé. Et ça fonctionne très bien. Les gens évoluent aussi. Hein. Il n'y a rien de figé, il n'y a pas de dogme. Donc les gens en fait évoluent par le fait que maintenant ils sont conscients des choses, ils ont une connaissance sur leur alimentation. Ouais, effectivement, être conscient, avoir compris le fonctionnement de cette nature, ça nous permet de nous responsabiliser, de nous approprier nos choix, et ça change tout quand on regarde 10 ans en arrière. C'était justement notre manque de connaissances et notre déconnexion qui nous faisait subir souvent des situations dans lesquelles on était complètement dépossédé de notre pouvoir d'agir et de décider. Ça, c'est vraiment un changement radical. Et en parlant de changement radical, toi, Clément, qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorious ? Tu es toujours jardinier formateur ou tu as décidé d'explorer de nouvelles aventures ? J'ai gardé cette casquette-là quand même de jardinier animateur parce que ça me plaît beaucoup. Après, c'est aussi un métier qui demande une certaine énergie de souvent beaucoup parler, beaucoup répéter la même chose, d'être avec plein d'humains différents et j'avais aussi envie des fois d'être un peu plus tout seul dans mon jardin. Donc aujourd'hui je vis dans un lieu, dans un petit collectif. J'ai peut-être une certaine peur d'être tout seul, donc je vis dans un habitat groupé dans lequel on a un jardin, on élève quelques poules, on a quelques moutons pour entretenir le lieu, on a quelques arbres fruitiers, donc on est en partie autonome. Malheureusement, on ne sait pas encore faire nos céréales et nos légumineuses. On n'a pas assez de place. Mais pour ça, on est en lien avec des paysans du coin à qui on donne des coups de main. Parce que du coup, je me suis libéré quand même du temps pour faire aussi d'autres choses et peut-être plus intervenir dans l'entraide, dans la production locale de choses, de boulangers paysans, de maraîchers locaux. On va parfois accompagner sur des gros coups de main, parce qu'ils ont parfois des gros coups de bourre. Et donc ça connecte, ça fait un tissu social dans lequel tout le monde participe hein, globalement, qui fait que la société, j'ai l'impression, s'équilibre tranquillement. Et tout le monde se comprend, se fait un peu plus confiance. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de méfiance qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années entre les différents secteur de la société. Et c'est plutôt agréable, en fait. On a plutôt le cœur léger. Je fais aussi un peu d'instruction en famille. Donc, moi et d'autres, on intervient aussi dans la transmission avec nos enfants. On fait aussi intervenir des enseignants pour qui dont c'est le métier. Mais on ne fait plus reposer l'enseignement que par une seule personne. C'est une diversité d'adultes et aussi de plus jeunes qui vont transmettre aux tout petits. Tu as réussi à rendre très vivant ces 2030 glorieuses. Je t'écoutais et en fait, les images venaient très naturellement. Donc, ça m'a donné une belle épaisseur, envie de presque ce sentiment de pouvoir toucher là, les 2030 glorieuses. Tu as réussi à vraiment les concrétiser. Et je suis sûr que pour les personnes qui nous ont écoutés, ça a été le cas. On revient là maintenant en 2021 dans notre quotidien. Et la route, c'est ça qui me plaît. Moi, elle est à la fois très courte et très longue avant ces 2030 glorieuses qu'on a dessiner ensemble. Qu'est-ce que tu suggérerais comme premier pas à celles et ceux qui nous ont écoutés pour cheminer vers ces utopies qui sont pas si réalisées et irréalistes que ça ? Moi, je crois que le premier pas qui m'a permis un peu de remettre un peu un pied dans tout ça, se réapproprier au moins une partie de son temps. Alors, peut-être si on est à plein temps, passer à trois quarts temps. Peut-être que si on bosse 50 heures par semaine, peut-être se dire je vais essayer de rester à 45 heures. Mais juste faire un petit pas de se réapproprier son temps pour voir un peu ce qui se passe, voir ce que ça nous donne comme envie. J'ai l'impression que moi, les périodes où j'étais le plus créatif et où j'avais le plus d'idées, c'est quand je travaillais pas. Donc, quand j'avais des grandes périodes, j'ai eu un an au chômage. Là, j'avais plein d'idées, je me suis investi dans pas mal de choses, je me suis formé. Et donc, c'est aussi accepter des fois de ne rien faire, de laisser le temps à la contemplation, à l'émerveillement. Et ça, en fait, ça fait du bien. Ça nettoie le cerveau et ça permet de repartir sur d'autres bases, de continuer d'évoluer, d'avoir une vie un peu moins monotache. Des fois, on peut avoir cette impression-là. On parle beaucoup de biodiversité dans nos jardins. Il y a aussi peut-être une biodiversité à avoir dans nos esprits et rester toujours ouvert à ce qui peut se présenter à nous. Donc pour ça, il faut avoir un peu le temps. Merci Clément. Merci à vous. Et voilà, cet échange avec Clément vient de se terminer. Je suis vraiment ravi d'avoir pu présenter ce métier qui est finalement à la fois tellement évident et pourtant tellement nécessaire de jardinier formateur, comme aime à se présenter Clément. On a entendu beaucoup de choses, hein, mais je retiens particulièrement la nécessité de remettre de la complexité dans notre modèle agricole qui aujourd'hui est beaucoup trop simpliste et qui aussi a cette vision très économique du paysan qui est aujourd'hui un exploitant, hein, les mots, le vocabulaire veut malheureusement tout dire, donc de redevenir des paysans au service du vivant, et ça changera tout. Et puis aussi j'ai vraiment aimé la suggestion de Clément qui me parle moi beaucoup, de créer du vide pour pouvoir à nouveau le re-remplir en conscience, et donc sa suggestion comme premier pas de reprendre du temps pour soi, de prendre du temps pour s'ennuyer, de prendre du temps pour découvrir d'autres passions et de concrétiser des envies qu'on avait depuis longtemps, notamment des envies, je sais pas, aller de faire du woofing, de participer à une formation, de faire du bénévolat, enfin de se mettre au service de choses qui nous dépassent et qui attisaient notre curiosité depuis longtemps, je pense qu'effectivement c'est un vrai premier pas fort qui va nous permettre de mettre en place des changements radicaux dans notre quotidien dans les prochains mois, dans les prochaines années, et ça on en a vraiment besoin. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Les chiffres explosent et je suis assez chanceux, enfin je me sens très chanceux de savoir que vous êtes chaque semaine plus nombreux et plus nombreuses. C'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur, donc merci et je vous dis forcément à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !